Le grand prêtre a tenu parole. Marie-Thérèse a voulu revoir son bureau avant de mourir, le bureau où Raymond venait la chercher. Maintenant Raymond est revenu. Maintenant elle ne mourra plus. Comment Oscar avait-il pu sauver Marie-Thérèse? Raymond était sûr qu'avant qu'il ne s'évanouît dans le temple de la mort, après ses tentatives désespérées, Marie-Thérèse avait eu le temps de mourir étouffée, au moins 10 fois, certes. « Marie-Thérèse, lui dit-il, je t'ai vue quand ils t'ont mise dans la tombe. »« Tu étais là ? » s'écria-t-elle avec une énergie soudaine et revivant l'affreux drame, en dépit du marquis et des tantes qui faisaient signe à Raymond et qui voulaient l'empêcher, elle, de reparler de ces choses. « Oui, tu étais là, pour me sauver, n'est-ce pas, mon bien-aimé ? » Mes yeux s'en sont ouverts tout à coup, parce que je savais que tu étais là. Je sentais tes yeux sur les miens, et je les ai ouverts, et les méchants ont fermé la tombe. « Tais-toi, tais-toi, Marie-Thérèse, je t'en supplie, dit le marquis. Il faut oublier tout cela, il ne faut plus parler de tout cela. Si, si, maintenant Raymond est là, il n'y a plus de danger. Il faut que Raymond sache. Ça a été la nuit dans la tombe. Oh, tu as dû voir que j'étais comme morte. Depuis qu'on m'avait pris mon petit Cristobal, qui avait poussé ce cri déchirant au moment où Oscar l'arrachait de mes bras, j'étais déjà morte. J'ai cru qu'on allait le tuer. C'est en vain que Oscar m'avait dit qu'on respecterait sa vie. Je ne pouvais croire Oscar, et je fermais les yeux pour mourir dès mon entrée dans l'abominable temple. Et je les ai ouverts quand je t'ai senti là. Qu'allais-tu faire pour me sauver? Car je savais que tu tenterais tout, tout. Ah, mon amour, même dans la nuit de la tombe, j'espérais en toi. Au fond des minutes atroces que j'ai passées là, dans le domaine des morts, la pensée que tu me sauverais ne me quittait pas. Tu ne me laisserais pas mourir ainsi entre ces pierres. Et je t'attendais. Je t'attendais, moi, que la mort avait déjà lié. Et puis j'ai commencé à étouffer, et alors je me suis dit, il viendra trop tard, je serai morte quand il arrivera. Sous mes bandelettes, ma poitrine se soulevait, ma bouche cherchait l'air qui commençait à me manquer. Oh, papa, mon bon papa, laissez-moi dire à Raymond, puisque c'est fini, puisque je suis vivante, et que nous vivrons, et que nous nous aimerons. J'étouffais, et mes oreilles commençaient à me faire entendre d'étranges musiques. Quand tout à coup la muraille fut secouée, ébranlée autour de moi. Des coups sourds faisaient trembler la montagne qui était mon tombeau. « C'est lui, me disais-je, c'est lui. Vite, vite, qu'il se dépêche. » Mes yeux étaient grands ouverts dans les ténèbres et j'attendais la lumière. Et après un dernier coup terrible contre la muraille, la lumière vint. Je fermais les yeux en criant « Raymond !» et je me suis senti tiré par derrière. Je rouvris les yeux, j'étais dans les bras de Oscar. De Oscar qui me tenait étroitement serré contre sa poitrine, de Oscar dont le visage passionné se penchait sur le mien, dont le regard de flamme me brûlait, et je demandais à Dieu pourquoi il ne m'avait pas laissé mourir. L'Indien me déposa dans un couloir obscur qu'éclairait un feu de résine, et là il commença de délier mes bandelettes. Quand j'eus les bras et les mains libres, il me recouvrit de la robe de chauve-souris que l'on m'avait ôtée avant de me faire entrer dans le temple. Je le regardais agir avec épouvante, comme une esclave que rien ne peut sauver de son maître. Mais il m'annonça d'une voix rauque que je n'avais rien à craindre de lui et qu'il m'avait sauvé. Je ne pouvais le croire, je ne pouvais pas croire Oscar. Je le regardais maintenant replacé dans la tombe d'où il m'avait tiré une momie pareille à celle dont nos panthéons sont pleins, et refermer le trou qu'il avait creusé et préparé à l'avance, autant qu'il lui avait été possible, sans éveiller les soupçons autour de lui. « Il n'y a pas de sacrilège, fit-il, puisque le dieu a le nombre d'épouses qu'il lui faut. » Il se tourna vers moi et instinctivement je reculais. « Je te fais encore peur, me dit-il. Sache donc que sans moi, tu serais déjà morte et que j'avais tout disposé pour ton salut. Et ne me remercie pas, puisque je fais cela parce que je t'aime. » Je reculais encore, ou plutôt je me traînais, misérable et sans force, hors de ses bras qui se tendaient vers moi. « Il y en a d'autres qui t'aiment, dit-il encore, et qui auraient voulu te sauver, et qui ont tout fait pour que tu meures. J'ai dû faire échouer moi-même leur tentative dangereuse, car les Quichua t'auraient offert aux dieux, quand même morte, s'ils ne pouvaient te garder vivante. » Je ne croyais pas, Oscar. Je lui dis, « Tu ne m'as sauvé que pour mieux me perdre, qu'as-tu fait de mon frère ?»« Tu veux le voir, me dit-il, viens. » Et comme j'étais incapable de faire un pas, il me prit dans ses bras, et nous nous enfonçâmes dans les couloirs de la nuit, qui ne doivent avoir aucun secret pour lui. J'entendais contre moi le battement de son cœur, et j'avais plus peur que lorsque j'étouffais dans la muraille du temple.